Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. La population vivant sur la 5e avenue de la zone urbaine de Bouiza craint toujours d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène, surtout quand un cas de choléra a été déjà signalé. Des déchets se déversent dans la rue suite au regard bouché depuis longtemps. Après la découverte il y a environ 2 semaines de 2 corps de taximens tués et jetés dans une latrine dans le quartier Mouguere de la localité de Ruziba, zone Kanyosha, le député Guikeke Pascal, élu en mairie de Bujumbura, réclame un procès de flagrance. Vous entendrez ses explications. Et 237 concubines en province de Ngozi ont été renvoyées chez elles depuis le lancement de cette campagne par le gouverneur. Désiré Minani dit que c'est pour rendre honneur aux femmes légalement mariées. Et le ministère de l'Intérieur annonce la prolongation du recensement des étrangers, particulièrement les réfugiés résidant au Burundi, jusque samedi. La décision tombe bien puisqu'à Bouiza, par exemple, les recenseurs sont loin de terminer la tâche, vu le nombre d'étrangers qui se font recenser, comme a pu le constater notre reporter. Voilà pour la sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Un cas de choléra est signalé à la 5e avenue de la zone urbaine de Bouiza, une information confirmée par l'administration. Selon la population vivant sur cette avenue, cette maladie aurait comme origine des déchets qui se déversent dans la rue suite au regard bouché depuis longtemps. Alors que ceux qui habitent cet endroit craignent le pire et appellent au secours pour la réhabilitation des conduits de ces déchets, les administratifs à la base indiquent avoir soumis cette question à l'Obuha, mais sans réponse. Placide Niamongere. Ce sont les habitants de la 5e avenue en zone urbaine de Bouiza qui alertent suite à ces déchets de toilettes de toutes sortes qui débordent et se déversent sérieusement sur les pavés et caniveaux. De passage, ils font du bruit à l'image quasi comparable à un ruisseau. Sur les lieux, partout c'est une odeur nauséabonde et les habitants de cette avenue regrettent que cette situation date de longtemps. Ça fait longtemps que ces déchets se déversent sur cette avenue et que la population vit dans cette insalubrité. Nous déplorons le danger qui guette notre vie et celle de nos enfants qui les côtoient au quotidien. Jadis, on nous disait que ces déchets seront drainés jusqu'à Uterere. Malheureusement, c'est bloqué. Que le gouvernement intervienne à temps avant qu'il ne soit tard. Ces habitants de la 5e avenue disent ne pas comprendre pourquoi une telle situation d'insalubrité perdure alors que cette avenue sert de passage de tous, administratifs y compris. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes encore vivants. Nous respirons l'odeur de ces déchets. Ils ont visiblement échoué à sauver les vies de la population habitant cette avenue. De la 9e avenue jusqu'au niveau du zéro des bus, la situation se présente ainsi. Souvent, la matière fécale est étalée aux yeux de tous les passants. Je ne sais même pas que nos administratifs ne feraient pas fi de cette situation. Peut-être, ils le font sciemment pour nous laisser respirer cette odeur suffocante du matin au soir. Ces citadins de la 5e avenue qui dressent un bilan d'un cas de choléra déjà identifié sur cette avenue demandent aux services habilités de tout faire pour réparer en urgence cette conduite des déchets bouchés avant qu'il ne soit tard. Récemment, une personne a attrapé le choléra. D'ailleurs, ce cas a été identifié tardivement. J'ai occupé cette parcelle depuis 2017 et j'ai trouvé cette situation faisant rage ici. Des fois, on collecte l'argent pour le débouchage. Le problème est réglé le matin pour reprendre le soir. Des informations recueillies de la part des administratifs du quartier à la zone indiquent que cette question des regards bouchés sévit au niveau de la 4e, 5e et 6e avenue de la même zone de Bouiza et qu'elle a été soumise aux échelons supérieurs et à l'office Obuha, mais jusqu'ici sa réponse. Entre-temps, ces déchets commencent à déborder même à l'intérieur des ménages. L'exemple étant celui de la parcelle numéro 62 de la même avenue. Placide Niamongere, puisque nous parlons hygiène, tous les débits de boissons et restaurants sans lieu d'aisance, un pour homme, un autre pour femme, seront désormais définitivement fermés à Bururi, car les propriétaires ont été avertis à maintes reprises. Cela a été dit ce jeudi par le gouverneur de province à Bururi au cours du lancement des travaux de propreté qui se sont déroulées au chef-lieu de cette province. Le colonel Leonidas Eban Denzamaso appelle la population, y compris les fonctionnaires, à exécuter ces travaux qui seront organisés tous les jeudis afin d'assainir les lieux de travail, les parkings, les marchés et tous les centres urbains, car des amendes seront infligées aux personnes qui feront la sourde oreille. La justice est le seul moyen de tranquilliser les habitants du quartier Mugere de la localité de Ruziba en zone Kanyosha de la mairie de Bujumbura. À propos de Guy Keke Pascal, député élu dans cette circonscription de la mairie de Bujumbura, sa réaction intervient après la découverte il y a environ 2 semaines de 2 corps de taximens tués et jetés dans une latrine. Il trouve que le procès des présumés auteurs de ces forfaits devrait être considéré comme des cas de flagrance. Honorable Guy Keke appelle la population de Ruziba à toujours dénoncer tous les phénomènes suspects pour s'assurer de leur sécurité. Suivez-le. Considérant la situation actuelle du Burundi, les tueries commises par des malfaiteurs sont vraiment à déplorer. Partant de ce qui s'est passé à Ruziba, où une personne a été retrouvée morte dans l'ancien cimetière de Ruziba et l'autre retrouvée dans un fossé dans ménage de la cellule dite Mugere. À vrai dire, c'est déplorable. C'est même à bannir. Ceux qui ont fait cette tuerie laissent des veuves et des orphelins, faisant les familles perdre les leurs. Saluons en premier temps les services de sécurité pour des renseignements rapides et approfondis qu'ils ont menés pour identifier les auteurs. Les auteurs avaient été appréhendés pour question d'enquête sur la première personne retrouvée morte dans l'ancien cimetière de Ruziba. Mais les renseignements ont montré qu'il y avait une autre personne morte jetée dans une fosse septique dans un ménage de la même localité. Les services de sécurité ont fait leur part. Ça reste à la justice de prendre ses responsabilités. Ce qui est étonnant, c'est déjà presque 7 jours sans que les présumés auteurs soient comparus devant la justice, alors qu'il leur fallait un procès de flagrance. Les présumés auteurs de ces tueries sont à la fois du groupe de malfaiteurs, mais également du groupe de terroristes, parce que jeter un corps d'une personne dans une fosse septique, ce n'est pas moindre. Il faut que les services de renseignement, de sécurité et autres compétents y fassent des enquêtes approfondies pour savoir les vrais motifs. Honorable Guy Keke, qui appelle la population de Ruziba à toujours dénoncer les mouvements suspects pour s'assurer de leur sécurité. Lors de sa communication ce mardi, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Mourikiye, a déclaré qu'un autre cas a été identifié dans cette même localité. Certains étrangers vivant dans la zone Bouguiza en mairie de Bujumbura disent que le délai de 3 jours du recensement ne suffit pas. Ils expliquent que le nombre des agents recenseurs est également insuffisant pour ce travail. On fait le point avec Jean-Marie Mayong. Avec les 3 jours, vraiment, ça ne suffit pas. Nous demandons qu'il y ait repos, qu'on ajoute quelques jours pour que ce travail puisse... Ce sont certains des étrangers vivant au Burundi qui se font recenser dans la zone d'Obgiza, à mairie de Bujumbura. Ils signalent que le travail ne marche pas vite suite au petit nombre des agents recenseurs. Depuis le 26, le 27, aujourd'hui le 28, nous sommes toujours ici. Mais un bon nombre des étrangers augmentent toujours ici. Je peux dire que les procédures, vraiment, c'est en tortue. Le problème se réside au niveau des travailleurs. Aujourd'hui, nous voyons un bon nombre. Les gens augmentent, mais il y a aussi peu de travailleurs. Le problème de 3 jours, vraiment, c'est insuffisant. Depuis le début de ce recensement, vraiment, j'ai trouvé que nous sommes beaucoup des réfugiés. Mais le travail, on nous a donné une seule secrétaire seulement. Alors, ça nous a perturbés. En Bouiza, il y a beaucoup de réfugiés. Alors, le travail, ça n'allait pas bien parce que nous sommes nombreux. Il y a l'engouement. Les 3 jours ne suffisaient pas pour recenser tout le monde, tous les étrangers vivant au Burundi. Ils demandent l'augmentation du nombre de travailleurs et de prolonger le délai afin que tout soit recensé. Nous demandons qu'il y ait repos, qu'on ajoute quelques jours pour que ce travail qui a bien commencé puisse se terminer en bonne et due forme. Nous supplions à notre père qui nous a accueillis dans leur pays d'augmenter même une semaine parce que nous les étrangers nous sommes beaucoup dans ce pays. Ramazan Iriani Tundula, président du comité central des réfugiés et demandeurs d'asile, trouve que dans les zones d'Obgiza et Kamenge, il y a un grand nombre de réfugiés. Il indique que le prolongement de 2 jours permettra à tous ceux qui sont en retard de se rattraper. Quand on avait commencé, normalement, la situation était quand même catastrophique. Mais après les 3 jours ici, c'est le 3e jour que le ministre avait dénoncé qu'on va faire l'activité de recensement pendant 3 jours. Maintenant, nous trouvons qu'il y a quand même, par exemple, dans la zone de Bouiza, il y a beaucoup de réfugiés dans la mairie de Bujumbura. Mais comme on avait quand même fait les plaidoiries au niveau de l'ONPRA, monsieur le ministre avait quand même augmenté encore 2 jours. Le vendredi et samedi, on va encore continuer le processus. On va quand même arrêter samedi à 15h30. Ce travail de recensement des étrangers vivant sur le sol burundais se déroule au bureau de toutes les zones de la mairie de Bujumbura et au chef-lieu de toutes les provinces du pays. Jean-Marie Mayonga, vous saurez que le ministère de l'Intérieur a annoncé effectivement à travers un communiqué la prolongation du recensement des étrangers et particulièrement les réfugiés résidents au Burundi jusque samedi. Le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement a réaffirmé ce jeudi que les relations diplomatiques du Burundi avec d'autres pays sont au beau fixe, sauf avec le Rwanda. C'était lors d'un briefing sur la situation actuelle du Burundi avec les diplomates accrédités au Burundi et les représentants des organisations internationales. Albert Shingiro a tenu à préciser que le Burundi a priorisé le secteur agricole et qu'il sera membre du Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Je vous propose de le suivre dans ses propos recueillis par Lydie Gahimbare. Sur le plan politico-sécuritaire, le Burundi, comme vous le savez, est un pays stable, calme et définitivement réconcilié. En matière de développement socio-économique, le gouvernement du Burundi avance sur son chantier de combat contre la pauvreté. La vision Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, est née justement dans ce cadre. Loin d'être une utopie, cette vision s'accompagne d'objectifs dont l'atteinte est éminemment possible grâce à la mise en œuvre d'actions concrètes et ciblées et au changement de mentalité comme condition sine qua non à tout développement d'un peuple. Dans le domaine clé de l'agriculture et de l'élevage, le Burundi est en train de rendre à l'agriculture sa place et son rang. Nous nous sommes fixés l'objectif de migrer de l'agriculture de subsistance à l'agriculture industrielle. Et des dispositions techniques appropriées sont en train d'être prises pour y arriver. Nous sommes en train d'encourager le secteur privé, les investisseurs nationaux et étrangers à s'intégrer davantage au secteur agro-pastoral avec un accent particulier sur l'agro-business. Et à partir du 1er juillet, le Burundi sera membre du conseil d'administration de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Dans le même ordre d'idée, nous sommes également préoccupés par l'expansion du terrorisme dans la région avec le risque de connexion entre l'ADF avec d'autres groupes terroristes au Sahel, au Moyen-Orient et au nord du Mozambique. Des efforts supplémentaires sur ce front sont plus que nécessaires pour contenir l'expansion du terrorisme sur le continent africain avant qu'il ne soit trop tard. Je saisis cette occasion pour réitérer la préoccupation de mon pays face aux actes provocateurs de notre voisin le Rwanda qui mobilise, recrute et arme des terroristes burundais du groupe Red Tabara en vue de déstabiliser notre pays. Le gouvernement du Burundi condamne avec la dernière énergie tous ces actes ignobles préparés par le cerveau pensant du Red Tabara constitué par les putschistes de 2015 en cavale au Rwanda. C'était le ministre en charge de la coopération et c'était le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, Albert Shingiro. 237 concubines ont été renvoyées chez elles depuis le lancement de cette campagne par le gouverneur de la province Ngozi début janvier cette année. Le gouverneur Désiré Minani dit qu'il s'agit de rendre honneur aux femmes légalement mariées. Cette autorité provinciale explique que la commune Ngozi affiche des effectifs insuffisants de telles femmes chassées parce qu'elle ne l'a pas encore visitée pour sensibiliser les chefs de colline afin qu'ils emboîtent le pas aux autres. Apollinaire Muzagara. Le gouverneur Désiré Minani a lancé cette campagne de chasser les concubines en commune de Mumba le 4 janvier cette année 2024. Dès lors, les chefs de colline ont répondu à l'appel du gouverneur. 237 femmes de 9 communes Kasete province ont été renvoyées chez elles jusqu'à maintenant. La commune Nyamurenza vient en tête avec 68 femmes, suivie de Mumba et Kiremba respectivement avec 62 et 54 femmes. Curieusement, la commune Ngozi qui abrite le centre-ville n'a que 3 femmes chasses. Le gouverneur Désiré Minani explique cela par le fait qu'il n'a pas encore effectué une descente dans cette entité territoriale en vue de sensibiliser la population et inviter les conseillers collinaires à rejoindre les autres. Mais il dit qu'il envisage de s'y rendre très bientôt. Le gouverneur Ngozi affirme qu'il n'y aura plus bientôt dans cette province de foyers illégalement fondés. À travers son compte Twitter, la première dame du Burundi a félicité le gouverneur Désiré Minani pour l'honneur qu'il redonne aux ménages mariés légalement. Ngozi Apone Muzagara, Radio Sanganir. Et à Rumonge, 12 ménages sont déjà abrités temporairement chez leurs voisins. 19 autres ménages sous menace de la montée des eaux du lac Tanganyika sur la colline Rutumo de la commune et province de Rumonge n'ont pas encore trouvé où s'installer temporairement. Frédéric Singhiwakira, chef collinaire de Rutumo, dit être dépassé par les événements et informe avoir déjà sollicité l'intervention de la commune de Rumonge. On fait le point avec Evariste Nzikobanya. Parmi les 12 ménages totalisant 91 personnes, 7 ont demandé temporairement abri dans le voisinage après destruction de leur maison par la montée des eaux du lac Tanganyika dans la sous-colline Kiyonza de la colline Rutumo. 5 ménages ont dû être abrités temporairement chez leurs voisins ce jeudi afin de prévenir d'éventuels accidents mortels. Les eaux du lac Tanganyika ayant déjà atteint les fondations de leur maison, selon des sources sur place. Pour 19 autres ménages de cette localité, les eaux du lac Tanganyika sont à 2 ou 3 mètres. Ceux-ci devraient également déménager, mais où les caser, vu qu'il a été difficile de trouver abri aux 5 ménages déplacés ce jeudi, s'indigne Frédéric Singhiwakira, chef collinaire de Rutumo. Ce chef collinaire parle d'une situation hors de sa portée et informe avoir déjà soumis la question à la commune Rumonge, afin qu'en collaboration avec ses partenaires dans ce genre de situation, elle puisse intervenir. Cette montée des eaux du lac Tanganyika concerne également certaines localités de la ville de Rumonge, notamment les ménages et le port commercial de cette province du sud du pays. Et pour terminer ce journal, un convoyeur d'un camion remorque de la Braroudi est mort ce jeudi suite à un accident de roulage qui s'est produit sur la colline Rutundwe en commune Songa de la province Bururi. C'est sur la route nationale numéro 16, tronçon Bururi-Mahwa. Ce camion transportait des boissons destinées à Bururi et une partie des caisses et bouteilles remplies de boissons ont été cassées. Selon le conducteur de ce véhicule, le système mécanique reliant le camion et la partie remorquée s'est détaché et son camion s'est renversé. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Ne tournez pas le bouton, nos programmes continuent. Jean Bosco, Douimana.